ravie en tout cas de te rencontrer. Ben moi aussi. Est-ce que tu trouves que tu te sens trop plombé par le soleil ou Ça va. Ça va? Ouais. Ok. Mais on cuit, à un moment donné, on sent plus rien. Hein. Ben si jamais ça va plus, je te le dirai. Ben je vais aller. Si tu tombes par terre, ouais. Je te viendrai. Alors, sur Internet, j'ai essayé de trouver une biographie. Oui. Très difficile. Oui. Tu es allé sur mon site ou Sur quoi? Sur MySpace? Non, sur Isée Musique, en fait, qui est mon site officiel. Non. Je suis allé, par contre, sur Gargoyle.fr. Google, tu préfères? Ouais, et tu as dû avoir le MySpace, peut-être qui est sorti avant le site, c'est possible. Parce que le site est en récent. Il y a beaucoup de Céline, dont malheureusement Céline Dion. Oui. Et donc. Céline en plus n'étant vraiment pas mon nom de scène, c'est. Mais pourquoi sur Facebook c'est Mademoiselle Céline? Parce que c'est mon Facebook perso, en fait. Et j'ai ma page Isée, si tu veux, que j'ai mis en place sur Facebook, page artiste. Et où là, je travaille plus sur cette page-là pour aussi générer un public. C'est vraiment le. Mais le nom d'artiste, Le nom d'artiste est Isée, voilà, comme indiqué dessus, ouais. Ouais. Et ça, c'est un album à venir ou C'est l'album qui sort vers le 19 septembre, voilà. Ok, alors c'est un scoop. Oui. J'ai droit de diffuser? Tu peux diffuser les titres, sont déjà certains en ligne. Okay. Et le single d'ailleurs est Elle, tiré de l'album sera Elle. Ok. Ouais. Et le disque comporte combien de titres? Alors là, celui-ci, tu n'as pas, c'est des extraits en fait, tu dois avoir 6-7 titres. Mais des extraits complets. Extraits complets. Ok. Ouais. Alors, dont Elle sur dessous. Ok, et c'est celle que tu préfères? C'est celle qui, je pense, est un échantillon assez représentatif en fait de cet album. Ouais. Tu viens pas de Paris, Alex? Je viens de Marseille. Ah, ben oui, c'est merveilleux. Ah, ouais. Le chant de Marseille. Et t'es arrivé à Paris pour te faire un nom ou au contraire pour pouvoir... Non, en fait, moi je suis arrivé il y a 12 ans à Paris. 12 ans? Ouais, okay. Il y a 12 ans. Parce que pour moi, tu vois, arriver à Paris, c'était aussi de rencontrer des gens beaucoup plus qu'en région, finalement. Donc je suis montée à Paris et j'ai rencontré, j'ai intégré une structure qui s'appelle Le Chantier, qui n'existe plus maintenant, mais qui en fait avait pour fonction de réunir les chanteurs, musiciens et de générer des rencontres en fait. Donc moi ça m'a permis vraiment de rencontrer des auteurs, des compositeurs, de commencer à faire des scènes, essayer des choses musicalement parlant, fixer un peu des univers et puis voilà, de générer des rencontres. Tu connais des gens? C'était Hugues, okay. qui en fait est mon guitariste que j'ai vu juste avant en fait. Ah ok. C'était rigolo. Ah, c'est bien, oui. Non, mais en vélo. C'est le village en fait. Mais c'est ça, mais à chaque fois que je fais des entretiens, il y a des gens qui disent « Oh, salut, comment ça va? » Ouais, ça j'aime bien ça. C'est vraiment, ben, ça. C'est la rue Oberkamp, donc la rue des artistes, la rue où tout le monde se rencontre dans le milieu. Absolument. Donc, c'est pour ça que le charbon, c'est la pierre angulaire. Ouais, et t'as beaucoup de... T'as une salle numéro 15 juste à côté, t'as un qui est là d'ailleurs, et t'as beaucoup de lieux de spectacle ici, c'est ça qui est... C'est merveilleux. Une communauté d'artistes. Et tu as grandi à Marseille? J'ai grandi à Marseille, ouais. Tu as fait tes études à Marseille? J'ai fait mes études aussi à Marseille, et je suis montée à Paris à 20 ans. Ok. Voilà, après avoir fait mes études, d'avoir... Et à 20 ans, tu étais décidé de te lancer dans la chanson ou si tu voulais peut-être aussi toucher à la comédie, toucher à la dramatique? Pas vraiment. Moi, c'était vraiment me lancer dans la chanson parce que j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose à faire avec ma voix. Et donc, je voulais vraiment donner corps à la passion. Et pour moi, ça passait par Paris, en fait. Donc, la passion a fait qu'on ne se rend pas bien compte à un moment donné, lorsqu'on s'en va à 20 ans, on n'est pas très conscient des choses et c'est pour ça qu'il faut le faire à ces âges-là. Je pense. Parce que tu ne fais pas l'analyse de tout ce qui est trop lourd, ce qui est. Ouais, c'est ça. Et donc, non, ça, c'est un parcours de bien 10-12 ans, mais tellement instructif et riche en rencontres. C'est bien. Est-ce que tu as pris des cours de chant ou tu es autodidacte? Non, j'ai travaillé à la voix, oui. Okay. Ouais, j'ai pris des cours de chant quand j'étais à Paris avec Armand Baltaï, entre autres. Puis d'autres gens aussi qui enseignaient plus le lyrique, la voix lyrique. Ça j'ai par contre suivi par... C'est la guitare, si tu veux, où là c'était plutôt un autodidacte, où en fait la guitare est venue l'instrument avec les textes, où je me suis dit à un moment donné, bon, j'ai des textes que j'ai écrits, ça serait bien d'essayer de prendre ma guitare et de trouver avec l'oreille des mélodies, des choses, on va voir. Et ça est venu avec l'oreille. Et tu n'as pas étudié la guitare? Je n'ai absolument pas de notion de musique solfège, non. Mais non, tu non. joues par oreille? Je joue par oreille, ouais. Ce qui a ses limites aussi à un moment donné, mais ça m'a permis de composer des choses et de mettre en place, tu vois, des titres et beaucoup générer de... une équipe autour, en fait. Hein, oui, mais ça... beaucoup de pianistes n'ont jamais étudié le solfège et ne pourraient jamais lire une feuille de musique. C'est ça, ouais. Mais on fait des mélodies exceptionnelles. Ouais. Bon, donc après, c'est... voilà comment c'est la passion passé, aussi, la passion. C'est peu, ouais, ça vous mène, c'est moi la passion. Oui. Et toi, ton style, ton créneau musical, est-ce que tu veux le focusser au contraire, tu veux l'amener très loin, donc autant dans le jazz que dans le blues, que dans la chanson française? Ben, en fait, si j'ai, tu vois, résumé la musique, c'est ça tourne autour du blues, pop rock, mais franco-anglo? Francophone, parce que je chante en français. Tu milites pour la francophonie? Ben ouais, c'est vraiment, moi, la langue, les mots, c'est vachement important. On peut tellement faire de choses avec la langue française, des subtilités, des mots. Ben voilà, moi, c'est un parti pris. J'aime interpréter aussi les mots. Et en anglais, les mots des autres aussi, ouais, carrément. Et puis tes inspirations francophones. Et puis les... alors, francophones, moi, j'aime beaucoup des gens comme Arnaud, Bachung, ça t'a dû t'en rendre compte. Ouais. Ben Bachung, à quelle époque? Tout le temps ou à une certaine époque? Vraiment, moi, l'album qui m'a le plus touché, c'est Fantaisie Militaire, qui pour moi est un prodige. Voilà. Merveille. Où là, vraiment, on est dans la dimension aussi textuelle. Et puis, bon, les versions live sont extraordinaires en plus. Métaphorique, hein, les métaphores de oui. Alain Bachung, n'importe quand, tu le réécoutes et tu vas comprendre autre chose. C'est ça. Toi, tu vises un peu ça aussi. Ben, en tout cas, moi, j'essaie d'aller dans... c'est pour ça que je privilégie la langue française. J'essaie d'aller dans cette exigence aussi. Parce que pour moi, ça me fait vibrer aussi sur scène. Une fois que tu es sur scène et que tu vas interpréter des mots, voilà, ça a des dimensions que je n'aurais pas en anglais, je pense. Même si je suis ouverte à l'anglais, c'est pas ça la question. J'adore la culture anglo-saxonne, c'est aussi ma culture. Mais bon, quand même, Brel est un chanteur qui me fait vibrer, Barbara. Ces gens-là, les gens qui... ça vient de là, quoi. Mm-hmm. Ah oui, ah oui, c'est de l'intérieur. Il faut qu'il y ait de la dimension tragédique, un peu, voilà, de noirceur, quelque chose qui soit... voilà, c'est pas de la mièvrerie. Moi, j'ai besoin de parler de choses qui me touchent, évidemment, aussi par rapport à... Et c'est toi qui compose. C'est moi qui compose. Après, j'ai, pour cet album en question, j'ai mêlé en fait mes titres, tu vois, guitare-voix, à des arrangeurs qui ont tous deux une culture assez différente, mais qui a apporté une richesse aussi au titre, énormément de la valeur ajoutée à chaque titre. Et Hugues, qu'on a vu là, lui est issu du... groupe vraiment du rock anglais, vraiment cette culture musicale qui nous blues. Et qui joue avec toi sur scène. Qui va jouer sur scène aussi avec moi, donc ça a vraiment... Éventuellement, tu vas faire un spectacle. Ouais, ben écoute, on a des dates à compter de septembre, on devrait entamer le Centre Idéal, jusqu'à décembre, Le Zèbre, Trois Baudets, on va... voilà, Trois Baudets, oui, une belle salle pour la Relève. Ok, probablement. Ah oui, c'est merveilleux. Ouais. Belle salle. On le fait en novembre parce que là, le but aussi est de générer, voilà, de se faire connaître, de se faire entendre et de fédérer le maximum de gens, de public. Et voilà la tâche aujourd'hui qui nous incombe. Mais l'album aussi, après, tout ça va suivre son cours naturellement aussi avec l'attaché de presse, etc. Ok, tu as un attaché de presse. Ouais, okay. Dominique Marie qui est... Alors c'est lui qui s'occupe de ta promo, de qui va de voilà, connaître. En charge de à partir de mettre en avant l'album et une fois le que single, l'album sera, une fois que l'album sera né, donc d'ici quelques semaines. Ouais. Trois semaines? Non, c'est une question un peu plus, hein, puisque ça sort vers le mi-septembre. Ok, ah oui, ok. Est-ce donc, que tu prévois des mini-spectacles pour annoncer ton album, pour la vente, pour... Ben là, en fait, on a mis en place une chose sur ma page Facebook, c'est-à-dire que chaque semaine, pour un peu en preview, si tu veux, de la sortie d'album, on va mettre chaque semaine un titre de mon album en écoute sur ma page Facebook, qui a diffusé, en fait, à chaque fois, et on va faire une espèce de buzz autour de ça. Donc là, on a mis le single Elle en écoute, accompagné d'une image visuelle en lien avec l'album et la direction dans laquelle on va. Et chaque semaine, on va faire ça, voilà, en attendant deux. Donc ça, c'est un petit événement. Et puis, il y a tout un truc à faire aussi autour avec des radios et des mises en avant du titre de Elle, justement, le single qui sera le single. Donc, Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui se préparent en attendant d'eux, et puis des images aussi pour le clip qui vont venir, tu vois, qu'on va faire. Et tu sais déjà quel clip sera extrait de... Voilà, ce sera le single Elle. Okay. Et on va travailler à faire le clip pour la septembre, pour la rentrée, tu vois. Mais là, les réalisateurs sont pas, le réalisateur n'est pas encore choisi. Il est... Non, non, ça y est. On sait tout est prêt. Ouais, on sait qu'il va le faire. Et tu as une idée, as-tu une idée de ce que tu veux amener comme vision de ta chanson? Est-ce que tu vas lui donner des repères? À peu près, parce que en fait, Elle est vraiment une chanson nocturne. Donc, on va faire un preview du clip pas très loin, à l'international. Oh, ben oui, donc à quelque part. On va aller dans voilà, une soirée là-bas où on va un peu filmer, parce que c'est live, vraiment c'est Elle, ça? Le monde un concert. De la vie. Ouais, en fait, on veut surtout avoir des silhouettes là. Le monde de la nuit, ou si tu veux, ce monde-là. Underground. Underground. Où, enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup fréquenté, je fréquente toujours le monde de la nuit, où en fait, avec aussi une communauté beaucoup homosexuelle, parce que j'ai beaucoup d'amis homosexuels. Alors, mais t'as-tu un style qui attire ces gens-là? En tout cas, ça fait partie ouais, de mon public. Mais pourquoi? Parce que t'es extravagante? Parce qu'on sait que les. Certainement, et puis aussi surtout parce que, comme je te disais, dans ce monde-là, enfin, c'est ce qui m'a inspiré ce titre-là. Ce sont des, voilà, y a des amours, l'alcool est dans, des amours déchirés, on se confie, on va à la confidence, oui, on oui. est dans un milieu où quelque part il n'y a plus de limite en fait. Non, c'est très vif, c'est à la chair vive. C'est très rouge, d'où la couleur oui, rouge oui, aussi, oui, oui, oui. et passionnel ou oui. charnel. Donc voilà, l'idée de ce clip, c'est d'aller. De filmer des images dans ce monde-là avec des silhouettes, hein, un focus évidemment, moi je n'ai pas envie qu'on me voit non plus tout le temps, okay. suggérer plutôt que mettre en avant tout le temps. Et pourquoi pas aussi déambuler dans des lieux à Paris, un peu étranges, mystérieux, sombres. Alors c'est un genre de spectre, ouais. un spectre, ouais. quelque chose de, part, ouais. où l'on peut ouais. s'imaginer à travers la chanson, la consonance de ce que tu c'est veux ça. Dire. Et ouais. à chaque écoute, on va avoir une autre vérité. Donc, ça ne sera rien ouais. de conquis. Ouais. C'est une approche presque au quotidien avec ton œuvre. C'est ça, et qui pourrait éventuellement peut-être parler à des gens, tout un chacun, pour y mettre ce qu'ils ont envie d'y mettre. Ouais. En fait. Ça dépend des jours voilà. où on t'écoute. Et pour en imaginant qu'à la fin, puisque quand même à la fin, c'est les choses s'apaisent dans cette chanson-là, on est off, ça y est, on respire à nouveau. Alors que c'est tout le temps. Ouais. Ça tient là. Oui, oui, ça tient là. Et on pourrait imaginer qu'à la fin, tu vois, on va filmer Paris au lever du soleil sur une espèce de butte à Belleville, ou je ne sais pas, mais où là, ça y est. Allez, on renaît. On renaît de ses cendres. Ah ouais. Mais voilà dans l'idée en gros, quoi. Après, on va voir les images, mais on va faire ce preview histoire de aussi de fixer un peu les directions de ce clip-là. Ah, mais t'as vraiment une vision de ta carrière jusqu'à dans les prochains mois avec beaucoup de précision. T'es vraiment une fille qui est cartésienne, qui sait où tu sais où tu t'en vas. Ben, j'essaie de, voilà, de mêler le côté créatif à cet aspect-là qui est primordial, de voir un peu régler autour les choses et de penser. Et puis de m'entourer aussi de gens qui vont aussi où je vais déléguer, évidemment, hein, parce que... où je vais, si tu veux, donner des indications. Et après, j'aime qu'on me propose aussi des choses, qu'on m'emmène sur des terrains auxquels je n'aurais pas pensé. Et on y va, quoi. Moi, une autre vision, d'ailleurs. Ouais. Une vision, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de... Pour moi, les cases ne m'intéressent pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de... Voilà, ma personnalité, c'est de sortir des sentiers battus, même dans la vie, c'est comme tout. Je ne suis pas dans des cases. Donc, j'ai envie de... Évidemment, encore plus dans mon métier, de... d'exploiter ça et mettre en avant le plus possible ma personnalité qui est telle. Mais les gens qui t'entourent, est-ce que c'est toi qui les choisis ou c'est des gens qu'on te propose? Alors c'est plutôt, au départ c'est moi qui les ai choisis pour les arrangeurs. Parce qu'en fait dans les arrangeurs il y a une jeune femme que je connais depuis 10 ans, auquel j'avais pas pensé, d'un coup tu vois aussi, mais pourquoi pas évidemment. Donc bon, Emmanuelle Cadoré, elle, voilà, ça s'est fait, je la connais depuis longtemps. Et puis Hugues, c'est par internet, Hugues Chaumel, par petite annonce, tu vois, où bah, c'est des rencontres, encore une fois, des belles rencontres. Et après, c'est de bouche à oreille. À partir du moment où, quelque part, tu rentres dans un cercle où, en plus, ça se passe bien humainement, où tu as trouvé les gens artistiquement qui correspondent, quelque part, bon, on t'emmène vers d'autres et tu n'es pas déçu. Ça reste toujours dans un même cercle. Et on croit en ce que tu fais, on croit en ce que tu veux développer. On que est tu là, amener. Voilà, on a les mêmes, le même langage. Ouais, on n'a pas forcément besoin d'expliquer. Non. Expliquer ça clique. Non. Ça clique. Ça, voilà. par quelques mots-clés, quelque part, ça connecte. Hein. C'est bien. Mais toi, dans l'écriture, comme c'est toi qui es dans, tu veux exploiter une vision de ce qui t'entoure, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Alors moi, en fait, quand j'écris, j'ai toujours de la musique dans les oreilles. OK. Parce que j'ai besoin d'ambiance. Et c'est qui te procure sa musique? C'est toi en grattant la guitare? Ou... Non, c'est des musiques qu'on... Tu vois, genre mon iTunes, j'écoute la radio. J'ai dans les oreilles, parce que j'ai vraiment besoin d'être immergé okay. dans mon monde, dans ma bulle. Et ensuite, voilà, je passe des chansons. Et à un moment donné, quand je ressens... J'écris beaucoup sur clavier aussi, j'ai du mal à écrire avec papier crayon. Nouvelle génération? Peut-être, ouais. Et en tout cas, c'est plus, je l'ai décidé peut-être ainsi, c'est plus naturel okay. d'écrire sur clavier. Puis Word en plus trouve nos fautes, alors ça paraît plus beau. Ouais, voilà. Et donc du coup, bon, ça, voilà comment ça se passe. En tout cas, il me faut de la musique avant d'écrire une ambiance, comme un tableau, voilà, de poser un décor, comme un décor. En tout cas, quelqu'un d'autre le pose, puisque ce sont d'autres musiques. Okay. Et puis bon, après, j'essaie de m'inspirer de ça. Et, est-ce que tu veux voir quelque chose en passant? Je veux bien. Oui, je vais faire un signe lorsque je Qu'est-ce vois. Que tu as pris? C'est, ça, c'est bien. Mousse. Ah, ben c'est un bec. Hein. Ah oui, c'est... Ouais. C'est frais de oui. saison. Mais... Oui, oui, puis le soleil amène voilà. le jus de pamplemousse à se boire avec grande joie. Voilà. Et ouais. puis, donc, à Marseille, avant de quitter, tu savais très bien que tu venais à Paris pour ça. Tu venais à Paris pour conquérir... Non, pour faire ta carrière, pour préparer quelque chose. Ouais, j'avais dans l'idée, en tout cas, d'essayer de donner corps à ça. Okay. Je voulais voir, en fait. OK. Attends un petit peu, je vais faire... Ouais, ouais, je voulais avoir ma réponse. Ça a toujours été important pour moi d'aller au bout de ça. Et puis ça, c'est très, très petit que tu as opté. Ouais, ça. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, à l'âge de 7 ans, je collectionnais les 45 tours, en fait. Ah oui? Et à l'époque... Mordeau, pourtant, t'es jeune pour les 45 tours. Mais j'ai acheté... j'ai 32 ans, en fait. Oui, bah oui. Voilà, ça... Bon. Mais j'ai toujours été attirée, après... J'ai beaucoup acheté tout le temps des 45 tours, et souvent, il y avait dans les SB des versions instrumentales. OK. Et... On en faisait encore des 45 tours? On en faisait encore avec mon manche disque. Ah! Oui. Parce que moi... Les 80, quoi. Oui, mais c'est ça. 83, c'était la fin du vinyle. Oui, mais en fait, j'en achetais. Enfin, il y en avait toujours dans le commerce. À Marseille. Je me souviens. Non, j'étais une grosse consommatrice. Et du coup, je m'enregistrais sur les faces B. J'aimais beaucoup chanter. Ah oui, parce qu'il y avait la version chantée et de l'autre côté, c'était la version instrumentale. Donc, ça me permettait de me donner joie et de chanter les choses que j'aimais bien. J'ai toujours été de toute manière assez solitaire. Ma chambre a toujours été très... mon espace, ma bulle. Est-ce que tu faisais des petits concerts dans ta chambre avec le miroir et... Attends, nous allons y pas venir. Désolée. Bonjour madame. Je cherche un appartement et j'étais en train de... Oh! Ah oui, c'est... De planifier j'étais quelque en chose. Avec l'agence okay. qui va sûrement me louer un appartement. C'est bon signe? Ouais, ouais. Ok, voilà. nous allons reprendre... Ben c'est bien, il faut savoir tout. Nous allons prendre un autre jus de pamplemousse pour mademoiselle. D'accord. Vous merci. À Paris, c'est là que tu as eu les premières rencontres, les premiers amis qui se sont annexés à ton projet, qui ont cru à ce que tu voulais amener, à ce que tu voulais proposer. Ça s'est fait évidemment en étapes, hein, puisque comme je te disais, ça a été aussi un terrain d'expérimentation où j'ai pu essayer un peu des musiques électroniques, tribord, plusieurs genres. Ah oui? En fait, parce que les premières amours sont le rock, le blues, mais j'ai quand même voulu aller par les rencontres aussi, essayer d'autres choses, histoire de comparer, d'être fixé. Et en fait, tu reviens à tes premières amours. Rapidement. Mais donc du coup, ça a été aussi un passage où tu testes des choses et tu fais des choix qui sont bons. C'est la vie, quoi. Ah ouais. Des choix moins bons. On se trompe, on recommence. Voilà, c'est un bel apprentissage, une belle école de la vie, si j'ai résumé l'histoire. C'est vrai. C'est ça, quoi. Mais tu as fait des boulots avant pour pouvoir te rendre jusqu'ici? Ben en fait, ouais, j'ai fait pas mal de boulot alimentaire et j'ai bossé dernièrement jusqu'à il y a 2 ans dans un groupe de presse où c'était vraiment Mais c'est quand même un peu dans. Oui, mais c'était dans le cours. C'était à peu près dans ce que tu voulais. C'était dans l'immobilier. Mais en tout cas, ça n'a jamais été perdu parce que c'est toujours des choses par rapport à, tu vois, des manières de s'exprimer qui t'apportent aussi. Alors, la dame qui cherchait un appart, toi, t'étais... Oui, j'aurais pu à l'époque. Mais là, ça y est, je suis rangé des bagnoles. Mais tu connais ça un peu, ce qui se passait. Je vois. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Et tu vois, il y a 2 ans, j'ai décidé de... Parce que bon, ça faisait 6 ans que je travaillais là. Je me suis dit, ok, ou tu continues et le temps passe vite. Ou alors tu t'arrêtes, tu prends le risque et tu y vas. Et en fait, j'ai arrêté, j'ai voulu être licenciée. Et là, pendant 2 ans, j'ai vraiment donné corps à ça. On a monté notre boîte, etc. Mais oui, mais... Merci beaucoup. Mais comment tu fais pour vivre pendant 2 ans sans... Ben là, le chômage m'a aidé à okay. pendant 2 ans. OK. Puis les artistes, je crois, vous avez des intermittents. Est-ce que tu fais partie des artistes? Je ne fais pas partie des intermittents. Okay. Là, j'ai simplement, si tu veux, les allocations de ce que j'ai travaillé depuis X années, qui m'a permis, effectivement, de vivre en parallèle et de développer les projets, si tu veux, qui me font vibrer beaucoup plus, en fait. Hein. Musique, shiatsu, puisque je fais aussi du shiatsu en parallèle, médecine alternative. C'est quoi donc? Alors le shiatsu, en fait, c'est une technique de massage okay. qui fonctionne avec les pouces. Ah oui, c'est oui, chinois, oui. C'est chinois, japonais. Ah, puis tu... Et c'est en lien beaucoup avec le corps et la voix, même tout ça. Et, ok, et tu fais ça et, en j'ai alternance? J'ai fait ça en tant que praticienne, voilà, en libéral. Donc ça, tout ça, il fallait aussi le mettre en place. Ça, tout ça a permis ça. Ça a été, si tu veux, un chômage là qui a été mis à profit et, au maximum. Mais pourquoi tu... Oui, effectivement, mais pourquoi tu optes pour le massage? Parce que tu es une fille zen, tu es une fille qui croit au yin et au yang, ben, à l'équilibre. En fait, j'ai toujours, quand j'ai moi-même été en tant que patiente, lorsqu'on m'a fait ça, j'ai toujours été assez réceptive à tout ce qui est yoga. Alternatif. Très réceptive. Mais ouais, ouais, ouais. J'ai toujours beaucoup réagi à ça et... Et je me suis dit, tiens, je suis venue comme ça, j'aimerais bien apprendre la technique. Puis en fait, c'est assez surréaliste parce que quand tu travailles après en formation, tu es toujours à deux. Et c'est, en fait, tu es encore une fois hors réalité. En fait, tu as un rapport avec les gens qui est sur la base du toucher, mais qui n'est pas qui n'est pas connoté, comme on pourrait penser, par le grand public, etc. En fait. Ouais. Parce que quand tu dis massage, tout de suite, massage ouais. t'a nommé. Hein, ouais. Ça, c'est assez systématique, mais oui. bon, c'est comme ça, c'est l'Occident, il va falloir du temps aussi pour intégrer ça. Mm. On n'est pas en Asie, ni en Orient du coup. Et c'est ça qui est beau parce que c'est aussi un échange avec les gens. Donc encore une fois, par cette mais là, activité... C'est très, très, très, très intimiste. Quand voilà, même. Par cette activité, c'est un prolongement de la musique, c'est aussi un échange, en fait, et un partage. Quelque part, il n'y a pas de hasard, quoi. Y a que, c'est, tout ça, c'est assez cohérent, quoi, quand je viens à réfléchir à certains ah, choix oui. de... Ah, oui. Et c'est passionnant parce que ça t'apprend aussi beaucoup sur toi, ton fonctionnement, même au niveau santé. Ah oui. Alors tu es une fille assez équilibrée. Pour une fille de nuit, tu es équilibrée. Ben, j'essaie de mêler ce côté bleu-gris où tu vois, tu entendras une chanson qui s'appelle Bleu-gris où, qui parle justement des deux phares, enfin des deux aspects d'une personnalité, des le côtés sombres. Le ça. Bon et le mauvais. Absolument. L'ombre et l'ombre et la lumière. Et, la lumière, hein, ouais. et que quelque part... tu peux tout très très bien t'en sortir avec ces deux et exploiter ces deux oui. à bon escient. Chacun est nourricier en fait. Hein. Effectivement, ouais, effectivement. Ça... Et à travers tes chansons, à travers ce que tu veux nous amener comme propos, quels sont les sujets les plus importants pour toi? Alors, s'il y en a, là, ça peut être aussi... une compréhension à double consonance comme Alain Bachung à travers la métaphore. Oui. Non, là, en fait, j'ai envie de te dire, c'est vraiment beaucoup d'histoires d'amour entre hommes et femmes, beaucoup de questions que sur l'amour, du vécu, bien sûr. Ou que tu aimerais vivre. Alors, il y a des choses vécues et des choses, je dirais, fantasmées. Okay. Comme elle aussi, il y a des parts de fantasmes et de choses interdites, hein, des rébellions. Mais, à l'intérieur, là, ce qui nous... Des choses, oui, ouais. Qui viennent nous chercher, qui beau, sont oui. aussi des colères, des oui, oui. espèces de cris aussi. Donc il y a un peu des deux, il y a bien évidemment aussi du vécu, de ce que aussi j'observe. À travers tes amis, et, les discussions. Ou même d'inconnus, tu vois, dans un monde où j'aime bien observer les gens, la manière dont ça... Ah, toi aussi, tu vas dans les parcs comme moi. C'est, mais quand je suis à Paris, j'adore ça. La terrasse de café, oh, tu oui. vois les gens passer, ça ah, c'est... Oui, oui. Ah, c'est, oui. c'est une source de... d'inspiration. Oh, qui est oui. assez, parce que tu peux essayer d'imaginer ce qu'ils ont vécu en les voyant, ben, ou ce oui. qu'ils vivent, en les voyant marcher, en les voyant oui. la façon dont on bouge. Oui, absolument. Et t'es une oui. observatrice. J'aime bien ça. J'aime bien ça observer et puis entendre aussi les conversations, une oreille comme ça, tu vois, qui va tomber. Et la nuit aussi, du coup, dans ce monde-là, c'est... placé. Je ne veux pas vous mouiller sur une chaise. Non, merci. Au moins, il est conscient de ce qui se passe. Mais non, et puis après, il y a des focus sur soi, des blessures. Et justement, c'est par ce biais-là qu'on exorcise aussi certaines choses. Donc voilà, c'est condensé. Et en fait, la musique rock aussi permet ouais, la de puissance se libérer, derrière de se libérer. D'envoyer cette masse et cette version tragédique. Et puis, il y a aussi du partage, tous ces genres de notions-là, quand même, qui sont importantes. Donc voilà, à peu près ce que je pourrais, si je dois un peu résumer dans des mots-clés, tu vois. Tout ce qui est rébellion, partage, révolte, espoir. Oui. Parce qu'il y a aussi des chansons Nouvelle Ère, hein, le titre d'album est quand même... Avec une ouverture. Tu as envie, tu conscientes certaines choses que tu dénonces, mais c'est l'espoir. Tout n'est pas perdu. Non. Au contraire, c'est une nouvelle ère, une nouvelle femme, nouvelle Ève. Alors, ça sonne un peu comme ça aussi. Alors, tu es très positive dans la vie. Oui, j'essaie de l'être et de... Même si c'est un métier difficile, hein. C'est un métier qui te demande beaucoup, bien sûr, de toi, mais... Oui, parce qu'il y a beaucoup de chanteuses, beaucoup de chanteurs. C'est des choix, après. C'est des dimensions que tu veux donner ou pas à ta vie. Ouais. C'est des choix, bien sûr, des sacrifices, des... Puis le choix n'est jamais facile. Le choix n'est jamais facile, mais à un moment donné, quand tu vois... quand tu arrives à faire ce que tu aimes, que ça te nourrit, et que quelque part, c'était le bon choix. Et c'est le bon choix. Ouais. Et par les rencontres aussi, que ça suscite... tout ce que tu apprends des autres, ce que tu te nourris énormément, et c'est très très enrichissant. Moi, tu prends beaucoup de ce que tu vis pour éventuellement mettre ça, placer ça sur scène, placer ça dans les chansons, ouais. Placer ça dans ton univers. Je crois que ouais, c'est vraiment tu fais comme un ancrage dans la vie. Qui... C'est ça, ouais, c'est ça, une espèce de mais quelque part comme dans la chanson réaliste hein, où tu comptais même les comptes, les comptes ouais. Tu... à la frayeuse. Voilà, ouais. Voilà où tu en fait tu étais quelque part le véhicule de... Oui. Tu racontais ce que les gens vivaient. Guillemets, quoi, ouais. Ouais. Ça, c'est... J'aime bien ça. Ouais. Sur scène, est-ce que tu vas... Parce que comme c'est un premier album, ouais. Tu peux pas faire un spectacle d'une heure et demie, non. Mais est-ce que tu crois que tu vas reprendre quelques chanteurs, chanteuses qui t'inspirent, qui, au contraire, tu vas te limiter ou tu vas te centrer, plutôt pas limiter, mais te centrer à tes chansons? À ton style, à ton nom, à ta... Oh non, j'aimerais bien... là, tu vois, on va travailler une reprise, parce que j'avais envie de faire de une reprise dans ce set des Four Non Blondes, qui s'appelle What's Up, donc une chanson en anglais, évidemment revisitée à notre sauce. Mais en anglais, c'est ça, pas en très... En anglais, okay. Celle-ci, en revanche. Et, mais pourquoi, non, celle-là? Par rapport à un style aussi qui moi, me touche, et puis... la chanteuse a vraiment une voix. Comment elle s'appelle? Je connais pas. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Four Non Blondes. OK. Qui est une chanteuse à l'époque grunge, en fait, années 90. Ah 90, oui, 90, ah oui, 90, ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est un groupe de filles. C'est un groupe de filles. Ah oui, oui, ouais. Oui, oui, je connais. Ouais. Mais c'est quand même assez vieux, ça n'existe plus. Non. OK, oui, oui, je connais. Mais en fait, étonnamment, lorsque tu ressors cette chanson-là, vu qu'il y a un refrain qui fait hey, yeah, du coup, en fait, il y a quelque chose qui est resté dans l'oreille des gens. Dit, et ah ouais, dans la tienne. Ah ouais, et dans la mienne. Okay, aussi, ouais. Du coup. Et donc, bon, quelque part, cette chanson, même si on ne connaît pas depuis d'abord le nom, ça ne nous dit rien, on voit à peu près avec les vocalises. Ah ouais, oui, je vois, ouais. Mais surtout, c'est bien que tu dises ça parce que ça marque une époque. Ouais. C'est ouais. Comme Dépêche Mode, ça marque une ouais. Époque. C'est comme ouais. Radiohead, ouais. Ça marque une ouais. Époque. Absolument, ouais. Carrément. C'est. Donc non, et puis bon, moi j'aime beaucoup les gens, tu vois, les chanteuses comme Eileen Barnes. Oui. Voilà, qui a une voix. Ah ouais, incroyable. Voilà, voilà. Ces genres de femmes au qui, moi, pour l'avoir vue sur scène, est charismatique aussi. Ah, tu l'as vue? Je l'ai vue, ouais, à l'Européen, il y a 2 ans à peu près, là. Est-ce que tu l'as rencontrée dans sa loge? Je l'ai rencontrée, ouais. Puis? Et on s'est rencontrés aussi lorsque j'ai chanté, tu vois, hier. Et, ah oui? Ça a été une belle rencontre. Ben, voyons. Elle n'est pas d'ici? Elle est, en fait, elle vit à Paris. Ok, ah, elle vient à Paris. Et elle est citoyenne universelle. Ben oui. Hey, mais c'est touchant de voir une fille que 2 ans avant, tu allais voir dans sa loge et... Ah, c'était une jolie rencontre. Et surtout, venant d'elle, c'est une amitié incroyable. C'est en tout cas une rencontre. Une rencontre, où on a pu échanger quelques mots, ce que j'avais en tout cas, j'avais pu faire avant. Mais... Est-ce qu'elle parle un peu français? Oui, bien d'ailleurs. Ah oui, très bien. Avec un bel accent américain. Ah, bien. Ah ouais. Oui. Alors, c'est une américaine qui a décidé de vivre à Paris. C'est ça, une américaine à Paris en fait. Oh, oui, ben oui. C'est ça. Ouais. Ouais. comme oui, Sting, qui était un Anglais à New York, lui, c'est, oui. Elle, c'est une oui, Américaine à toi. J'aime bien du monde, c'est une citoyenne voilà, du monde. J'aime bien, voilà. Ça me va bien. Éventuellement, tu voudrais t'orienter vers cette citoyenneté du monde-là, chanter autant en Belgique qu'au Québec. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Moi, rien que d'en parler, tu vois, d'aller en Belgique, évidemment. En Suisse, au Québec. Au Québec, bien évidemment. Mais il y a des tournées aussi, hein, avec, avec France-Québec, là. Il y a oui, beaucoup de... francophonie, justement. Oui, exactement. Et je pense que, oui, justement, ça, on en parlera, enfin... Mais toi, tu as quelqu'un qui travaille pour toi, donc éventuellement, votre... Écoute, on y travaille. Moi, dans l'idée, j'aimerais évidemment en Belgique, parce que c'est plus près. J'ai des points d'ancrage aussi en Belgique, je commence à bien connaître. Des points d'ancrage dans quel sens? Ben, en fait, si tu veux, la personne qui s'est lancée dans l'aventure avec moi, qui produit ce disque, est belge, en fait. Okay. Donc j'ai, si tu veux, un point d'attache qui est assez fort du coup, en Belgique, à Bruxelles. Et lui connaît des gens, donc... Voilà, donc c'est, si tu veux, l'idée de jouer aussi en Belgique, c'est un peu comme jouer à Marseille pour moi. Oh, ça oui. serait à peu près équivalent, oui. Donc c'est une vraie envie. Puis c'est beaucoup moins loin qu'aller au Québec, quand même. Aussi. Mais éventuellement, même si pourquoi pas. C'est une aventure. Oui, oui, ouais, oui. Super. Oui. Ben oui, puis surtout que tu penses au Québec, tu peux faire des petites villes, là, puis te faire connaître tranquillement avec c'est les radios. Aller, comme radio. À la rencontre des gens. Oui, ben oui. Et c'est ça qui est génial. Ben c'est là ça qu'on que apprend. La scène t'apporte. Oui. Et c'est pour ça que je pense, tu vois, que j'ai une préférence pour la scène comparée au studio. Ok, alors tu es une fille de scène. À réflexion, bon, le studio c'est sympa, mais. C'est froid. C'est compliqué parce que tu es entre quatre oui. murs. Ah oui, c'est froid, instrument par instrument. Voilà. Les pistes sont jouées. Voilà, c'est un exercice. C'est cartésien. Je et me toi, demande si je ne préfère pas la scène, ouais, ou là où ça vit, où ça se passe. Mais le premier album a été tout autre. Tu t'es focusé en studio. Mais le prochain, est-ce que tu vas faire des chansons sur scène pour éventuellement les enregistrer en studio? Alors, ils vont avoir vécu. Avec, ils auront quelque chose d'intéressant, du gras, comme du gras autour de la pièce, et tu le placerais éventuellement sur un disque. Éventuellement, ça peut être... ou alors je me dis aussi que la scène va pouvoir apporter de nouvelles chansons, parce que ça va stimuler à nouveau cette création, que lorsque tu es au studio, en enregistrement de disque, tu n'as plus cette création-là, puisque tu es focusé c'est fini. Sur les chansons que tu es en train d'enregistrer. Ouais. Qui, quelque part, c'est assez troublant, sont déjà d'histoire ancienne. Surtout pour un premier album. Voilà. Et je crois qu'en revanche, ce que va pouvoir m'apporter la scène en parallèle, c'est de la nouvelle matière pour pouvoir à nouveau écrire, à nouveau avoir des idées, à nouveau avoir des émotions qui reviennent. Et pouvoir justement créer de nouvelles choses et partir sur un autre projet, évidemment, parce que le deuxième album, etc. Mais il faut laisser le premier se libérer, se faire connaître. Je crois que c'est laisser vivre dans un premier temps ce premier par la scène, et puis après, en parallèle, je crois intimement à ça, que ça va susciter en parallèle ça. Mais toi, tu es une fille calme qui laisse aller les choses, qui n'est pas trop J'essaie stressée. J'essaie de prendre les choses, philosophie et recul, L'expérience, c'est la force des choses. Oui, c'est posé, tu es une fille posée. Ouais, ouais. Alors, c'est calme de te rencontrer, de parler avec toi. T'es quelqu'un de très smooth, hein, de très relax. Et qui raconte ça avec une clarté incroyable. Ouais. Alors, donc, ça veut dire que tes idées sont déjà placés, tout est déjà prêt mentalement à une réussite. Je m'entoure aussi, tu vois, quand on parle de rencontres, etc. Je parle beaucoup avec mon entourage, j'apprends, je fais un travail sur moi aussi, hein, évidemment. Et c'est extrêmement enrichissant, c'est une expérience de la vie, on apprend, et puis l'âge aussi, je crois, hein, ça apporte ça au fur et à mesure. Et puis c'est quelque chose, cet album-là est vraiment un projet qui me tient à cœur et que dans lequel je me reconnais, que je cautionne et que quelque part je peux t'en parler parce que c'est mes mots aussi. C'est ton enfant. Même si aussi, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment mon bébé, s'il y a d'accouchement en fait. Mais pas très douloureux. Pas très douloureux. Okay. Non. Sans césarienne, sans aucun. Non, naturellement. Non, naturellement. Et voilà. Naturel, la vie, quoi. Ah oui. Ah oui. Est-ce que, à travers ce disque-là, est-ce qu'il y a une chanson qui te ressemble le plus? La chanson qui me ressemblerait le plus au niveau énergie et que j'ai toujours ressenti, et ça s'est vérifié auprès d'autres, c'est elle. Toujours? Bonjour, si c'est, tu veux, cette chanson-là, ça revient tout le temps. je me suis tout de suite dit, quand on l'a faite en studio, quand elle a pris des dimensions, etc., d'arrangement, je me suis dit, celle-là, c'est elle important. A quelque chose, je la ressens. Alors tu y crois, c'est énormément. Vraiment la pierre angulaire de ton album. Étonnamment, quand on a commencé à faire un peu entendre autour, même à des professionnels, sans orienter évidemment, c'est elle qui est ressortie. Comme quoi, il faut croire à ses intuitions. Oui, oh oui. Ben oui. Et donc c'est vraiment celle-ci qui oui, pour moi, me parle le plus et qui m'emmène... Tu es le plus fier. Oui, vraiment. Est-ce que c'est celle que tu... est-ce que tu débutes avec elle ou tu finis ton tour de chant avec celle-là? Je crois qu'elle sera... OK, c'est parce que c'est pas encore placé. Elle ne va pas débuter. Okay. Elle ne va pas débuter parce qu'elle est quand même sur scène assez forte. Comme on dit, elle envoie pas mal. Elle envoie pas mal, oui. C'est-tu ton côté rock? Ouais. Et en fait, c'est bien parce que tu vois, il y a une chanson aussi qui s'appelle Tes bateaux, qui a été écrite par... Parce que en fait, j'ai aussi écrit en binôme avec Grégory Pouchkine, en fait, qui est la personne qui a monté le label, qui produit le disque, qui est aussi auteur. Mais c'est pas le belge, là. C'est le belge. Ah, c'est le belge, voilà. Okay. Donc, on a mêlé nos plumes aussi pour certains textes. Donc, il y a des textes aussi qui sont de lui, dont Tes bateaux. Et tu vois, Tes bateaux, on l'a fait en studio, on répète, pour la scène, et elle a pris une dimension un peu à la Tom Waits, cette chanson-là. C'est une référence pour toi, Tom Waits? Ouais, Arnaud Tom Waits, voilà. Ah oui, il y a des gens qui vivent leur chanson. Et on s'est dit, waouh, quelle surprise, quoi, et ça va être super sur scène, celle-là. Et en fait, c'est ça, chaque chanson a vraiment un caractère bien à elle. Et d'où la difficulté de faire après aussi une setlist qui tienne la route. Parce qu'on ne veut pas non plus commencer trop fort, mais quand même un peu, parce qu'elle a de l'énergie. Pas non plus tout donner tout de suite, pour donner envie encore une fois. Ouais. Donc, mais voilà, chaque chanson, et donc Tes bateaux, cette fameuse chanson, a vraiment été une surprise parmi d'autres. Il y a du Tom Waits où tu vas taper contre des radiateurs, on peut faire la guitare. Ou, c'est incroyable. C'est génial. Mais toi, tu aimes les écorchés. Tu aimes les écorchés. Oui, et je pense que j'en suis aussi une. OK, mais une écorchée zen. Oui. Comparativement. Avec différentes facettes. OK. OK, parce que là, ce que je vois actuellement ce matin, là, je suis, c'est la jeune fille resplendissante. Oui. Okay. Je suis dans ma c'est un beau côté. Cartésienne, et je sais aussi. Je crois que c'est vraiment cette chanson bleu-gris, quoi. Où, et le soir, tu peux être Waits, tu peux être... Mais après, c'est encore dire une fois, tu vois, c'est du vécu, ça revendiquait cela. Et enfin, je crois qu'après, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais voilà, j'ai été un oiseau de nuit, je le suis encore. Et avec tout ce qui est positif et négatif. Voilà, et je crois que c'est ça aussi, ça me nourrit et ça me permet aussi de faire la part des choses. Et de comprendre bien des choses aussi, d'avoir plusieurs angles. De trouver quelque part l'unité dans tout ça. Et je crois qu'en effet, c'est pas tout blanc ou tout noir. Quoi. Non, en effet, effectivement. Il y a du gris, quoi, aussi. Ah, oui. Et c'est ça qui est difficile pour certains. Hein. Il faut pas prendre l'individu en tant qu'ensemble, mais au contraire, en tant que singularité. C'est ça. En tant qu'individu. En tant qu'être individué, comme tu dis, quoi. C'est vraiment ça, chaque... J'ai 10 questions à te poser, oui. Les 10 questions de la fin. Alors, soit tu peux réfléchir ou spontanément dire ce que tu ressens. Oui. Mais tu peux aussi réfléchir. Si tu étais un liquide. Un liquide. Un liquide. Champagne. Oh, ben oui. Pourquoi pas champagne pour tous, comme disait Higelin. Pourquoi? Oh, parce qu'il y a des bulles, c'est, et ça, c'est festif. Et ça mène la fabulation. Ouais, ça te met des bulles dans la tête et dans le cœur et de partout. Ouais, bref, c'est la fête. Ouais, t'es une fille de fête. Et puis, il y a un côté festif et célébration. Un peu bourgeois, pain chic. Ouais, aussi. Okay. Si tu veux. Oui, mais c'est bien. Au Québec, plus qu'ici, le champagne est très accessible. Oui. Ici, chez nous, c'est 75$, c'est-à-dire 90 euros. Oui, d'accord, oui. Ah oui, ah oui. C'est mon côté épicurier, Renat. Ah, mais c'est bien. Voilà. Vive, la bonne bouffe. Alors, nous allons en venir. Voilà. Nous allons en venir. Si tu étais une ville. Une ville? Amsterdam. Pourquoi? Alors, c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit, mais c'est... Non, mais en fait, moi, je suis tombée en amour dans cette ville. Tu sais, il y a des villes comme ça où quand tu y vas... t'as l'impression d'y avoir déjà vécu, en fait, c'est très bizarre en fait. Crois-tu à la réincarnation? Je pense. Ok. Ouais, je pense que... Tu étais quoi dans ton ancienne vie? Je pense que je devais être un oiseau, enfin quelque chose en tout cas d'assez libre et pas enchaîné quoi. Moi j'adore les aigles par exemple. Oh, un aigle! Voilà, oh! après personne. Alors, tu regardais les gens d'en haut. Ah oui, mais tu regardais, tu zonais tes proies. Ben, ça rejoint un peu, tu sais, l'observation. Ah oui, ben oui, oui, oui, oui, oui. Surtout de voir d'en haut, c'est merveilleux. Toucher, mais bon, voilà. Ben oui, ben voir d'en haut, c'est merveilleux. Hein. Voilà. Puis on voit très bien un œil d'aigle. J'aime bien ça, voyez, okay. Le côté très, très, très frontal aussi. Hein. Alors, tu étais un aigle. De l'ordre, en tout cas, d'oiseaux, rapaces, ouais. Okay. Ça m'aurait bien plu, en tout cas, après, je sais pas. Alors, toi, c'est Amsterdam. Ouais. Ouais, vas-y, pour... Ben, ouais, il y a une espèce de quiétude dans cette ville. Et puis, l'eau, il y a beaucoup d'eau. Moi, j'adore l'eau. C'est un élément apaisant, naturel. Ah, toi, la piscine, la mer? La mer. La mer, OK. Ouais, plutôt la mer, les cours d'eau, ces choses-là. OK. Et non, j'ai trouvé, dans cette ville, je m'y verrais bien vivre sans souci, quoi. Parce que c'est... Puis, tu as un silence, il y a un art de vivre... Voilà, après j'ai ressenti cette ville. Donc, ouais, si tu me dis une ville, Amsterdam. Est-ce que tu y vas souvent? Non, j'y suis pas allée depuis un an, mais à un moment donné, j'y allais assez souvent, ouais. Ok. Ouais, mais bon. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue? Bon, ben, le français, ouais. Pourquoi? Ben, ça rejoint un peu ce que je te disais par rapport à l'amour des mots, les subtilités de cette langue. D'interprétation aussi. Pour moi, le français, ça donne ça, en fait. Oui. OK. Ouais. Français. Si tu étais une époque? Une époque? Oh. Ah, les années 70. Pardon? À 70? Les années 70, oui. OK. Puis même t'es né en 70? Je suis né en 79, plus années 80. Oh, la dernière. Ce qui est bien aussi. La dernière 80, année. Hein. Ouais. L'année 70, ouais, et puis pour toute l'époque, là par contre, Angleterre, Velvet Underground, tu vois, Roxy Music, tout ça. Ah ouais, avec aussi le look que ça suscitait. Oui, moi j'adore oui. Le côté dandy, machin. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, ouais, bon, vraiment. Mais, par contre, années 70 à Londres. Ok, précisément. Alors ouais. Donc, toi c'est Amsterdam, mais en 70, tu vas être En Angleterre. Ouais. Et tout se passait là. Hein. Ouais. Tout se passait là. Ouais. Si tu étais un mot. Un mot passion. Passion. Ouais. Avec 3, 4 S, 6 S, autant de S possible. En majuscule, ouais. La passion, incarnée. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Avant, je disais un aliment, mais ouais. il a fallu que je modifie un aliment. Un aliment, le fromage. Lequel? Oh, tout. En fait, le fromage de chèvre, tout. En fait, Quand tu viens au Québec, là, tu goûteras au Riopel. Riopel, c'est un grand peintre québécois. Ouais. Et à l'île aux Grues, endroit où il est mort, mais où il a créé des œuvres exceptionnelles, on a fait un fromage à son nom. D'accord. Le Riopel. C'est une sorte de beurre, mais c'est un fromage, mais tellement doux. Ah, c'est merveilleux. Ah oui, je ne sais pas. Je retiens Riopel. Non, mais tu me diras quand tu passeras et j'irai te guider et te faire goûter un bon Riopel. Cool, ça vaut la peine. Avec un bon rouge, là, c'est vrai. Mais c'est ça, mais voilà. Mais c'est ça, l'épicurisme. Voilà. Hein? Voilà. Ah ben, tout à fait. Si tu étais une saison. Une saison, le printemps. Le mois de mai, particulièrement. Le mois de mai. Il y a une chanson d'Aznavour, Paris au mois de mai. Ah oui. Hein? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, le mois de mai, tout est en fleurs. Je trouve que c'est. On renaît. Les beaux jours, On renaît. C'est ça. Après en mai, l'hiver. Fais ce qu'il te plaît. Ouais. Mais surtout l'hiver au Québec, à Paris, ça, c'est pas la même chose. Oui, mais... j'imagine. Ouais. En effet, mais on renaît véritablement. Puis ouais, même les allergies renaissent. Hein. C'est tout ce qui va avec. Hein. Ah, oui, 2011, 2012, c'est les allergies. Toi, as-tu des problèmes d'allergie? Ben écoute, non, pas ma connaissance. Non, mais parce que c'est les aînes. Tu sais, zigzagate. Peut-être, mais non, pas. Non, touche au bois. Non, mais ça vient comme ça. Ouais, c'est pas du bois. Non, c'est pas du bois. Moi, si on lui continue de faire. Mais pas de problème. Allez, hop. Si on passera pas la semaine. Si tu. On pourrait quand même. Si tu étais un membre corporel. On peut la main. La main? Oui. Ouais, parce que la main, ça. Enfin, je parle, ben là, on s'en rend pas compte, mais. Ouais, j'aime bien, c'est ma culture aussi. C'est très radiophonique, c'est merveilleux. C'est ça. En plus, moi, ça me donne un peu de vent. Non, mais ça me donne un peu de vent, donc c'est merveilleux. Les mains, parce que c'est aussi le toucher, c'est. Mais surtout que tu fais de la. Tu masses, donc. Oui, aussi. Donc, il y a aussi ce lien-là où, voilà, c'est le toucher, c'est. C'est le partage aussi. La communication. Je suis assez tactile en fait. Ça peut aussi choquer. Je n'hésite pas. Ok, t'es genre. Ok, ok. Bon. Ah oui, c'est bien. Non, mais à Marseille, c'est comme ça. Hein. Oui. je pense qu'il y a aussi très, de très ça. Très camarade, cette... bonjour, comment ça va, touché. Voilà. Si tu étais, parce que je suis allé à Marseille en passant, ah, ouais. en 89. C'est bien. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée ou le soir, au moment de l'apéro. Ça, j'aime bien. Ben oui, épicurienne. Ah, ça, c'est quand même... Ou le matin, mais très tôt, lorsque la ville, tu vois, est encore endormie, ou tu vas aller prendre ton petit café le matin. Et l'apéro, c'est à quelle heure? Oh, ben, l'apéro, ça dépend. Hein. On a nos limites. Toi? Aussi bien à 19h, ça peut être à 22h, ça peut être un peu... Surtout dans ces beaux jours comme ça, où tu... Quelque part, la notion de temps, on peut déraper. Tu vis, quoi. Ouais. On peut c'est déraper. Tellement bon, ça, l'improvisation, il n'y a que ça de vrai, quoi. Enfin, c'est moi, vrai. Ça rejoint l'idée, tu vois, les cases, machin, ça m'emmerde. La joie de vivre. Ouais, la liberté. Ça, liberté. Voilà, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de faire ça, on fait ça, tout ça. Enfin, okay, y a pas de problème avec une solution, quoi. Tu es du genre à rien avoir prévu et de partir d'un coup de tête? Je pense que les choses qui sont imprévues sont les meilleures, souvent. Ah, c'est vrai. Ça se vérifie tout le temps, en tout cas, dans les expériences. Quand tu programmes beaucoup de choses, en général, ça se passe jamais comme ça. C'est très fort. Déjà, qu'on soit clair, et en plus de ça, quand c'est imprévu, t'as souvent des bonnes surprises. Donc, oui, c'est vrai. C'est merveilleux. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. La partie cachée de Isère. Cachée. Tu restes à conquérir et Tu ne connais pas encore toi-même. Ouais. Oh. Ouais. Alors, c'est complexe. Ouais. Mais sans thérapie, sans rien. Par des rencontres, par des la vie. Alors, tu veux que les gens te reflètent un peu ce que tu es au compte-gouttes. Puis par des rencontres et soi-même comprendre des choses par soi-même, en fait, par des mots, par des choses. En écrivant. Ou même par par des rencontres aussi, où ça va faire son chemin tout seul, en fait. Hein. Après, tu prends, tu jettes, tu fais ta vie, hein, mais il y a de ça. C'est toujours cette autre partie de soi qui reste à conquérir et qui a un travail toute une vie à développer. Ouais. Et ça, c'est pourquoi être quelqu'un d'autre, c'est déjà difficile d'être soi. C'est vrai. Ah ben ça, c'est vrai. Ouais. Soyons nous-mêmes. Hein. Ouais. Après, c'est intéressant. J'ai un bonus 2011 qui est un flop monumental, mais je le replace toujours, on ne sait jamais. Là, c'est presque la fin. Oui. Et quelle folie voudrais-tu exécuter à mon émission? Une folie audio, pas vidéo, des gestes, mais au niveau sonore. Quelle dernière folie? Au niveau sonore? Ouais. La folie, c'est que j'ai pas de voix. Ok, c'est mais oui, terrible. Pour toi, okay, c'est pour quand même quelqu'un qui. La folie pour moi, c'est d'être quasiment à fond aujourd'hui, tu vois. Ok, en ça fait, envoie. Et après, enfin, pour l'heure. Alors, c'est le silence pour toi. Une fois dit, ça serait le silence. C'est ça. Dans des moments où on va parler de ma musique, où là, j'envoie la voix, tu vois. Une fois que c'est terminé, le rideau est fermé. Voilà. Ça, ce serait un peu... c'est assez inattendu, quoi. Ok, alors pour toi, la dernière folie serait un silence. Ce serait le silence, ouais. Ok. Parce que du coup, sans ma voix, enfin, si c'est... Pour une chanteuse, c'est... Ma voix, c'est, si tu veux, c'est la chose auquel, pour moi, il est primordial de mettre en avant, c'est ma force. Et j'ai pas... C'est vraiment quelque chose auquel je crois. Et qui a été le moteur dès le départ, d'ailleurs, hein, de toute cette... de ce parcours. Hein. Et donc, oui, quelque part, d'être à faune, le silence... C'est un stress constant. C'est inquiétant, ouais. Oui. Ouais, c'est inquiétant de se dire j'aurais fait plus, par exemple, une chanson, ça m'aurait inquiété. Ouais. Ah oui. Donc, bon. Mais surtout éventuellement, si tu fais des concerts répétitifs, c'est ça. Faudrait peut-être avoir un suivi médical pour. C'est ça, après de se préserver au maximum. Puis savoir aussi comment projeter pour pas trop en donner pour à chaque soir être. Voilà. Et je crois que d'ailleurs. Il est bien de travailler sa voix, tu vois. Et tu la travailles? Et je la travaille. Ben, elle n'a pas aujourd'hui, là, mais normalement. Non, parce que là, j'essaie de pas. De minimiser. Tu vois, les moments où je ne vois pas des personnes, je ne parle pas du tout, évidemment. Ok, c'est et mieux. Même, ou à la limite, je fais avec des petits papiers, gens vraiment qui me connaissent. J'économise, tu vois, au maximum. On aurait pu, avec on des petits papiers. On aurait pu faire des petits papiers. Mais. Radiophonique. Mais. Il est écrit. Oui, c'est ça, écrit. Effectivement. dit que. Et donc, poursuivons avec. Alors, eh bien, j'espère qu'éventuellement, je te ferai goûter du Rio Pel. Ouais. Ouais. Parce que c'est extraordinaire. Il faut uniquement aller à Québec pour le Rio Pel et ensuite pour la carrière. Avec grand plaisir. Ben, je suis certain que, écoute, ce sera. Très, très bientôt avec cet album-là que tu adores et que tu nous divulgues avec autant d'amour. Hein. Ouais. Et je ferai écouter aux auditeurs, ils pourront se faire à l'oreille bien sûr. Ton talent. Non, et puis vraiment, enfin, là j'en profite, tu vois, il faut se rendre sur le site que je t'ai donné. Oui, bien, si tu peux le redonner. Je peux redonner keize-musique en anglais à musique.fr, keize-s-e. Okay. Et où là vraiment tu as tous les titres en écoute, où il va y avoir les dates de concert. On peut s'inscrire, on a mis en place un système de newsletter en fait, où on les gens suivi peuvent être de... prévenus personnellement des dates à venir et de tous les événements qui pourront être autour de ça. Et puis aussi la page Facebook, parce que la page, il y a toujours des petites exclus avant le site ou des... Est-ce que c'est j'aime ou si c'est toi qui confirme? Est-ce que je dois cliquer sur confirmer? Ou si c'est un appel à tous, j'aime. Ah, c'est ça, tu vas sur Easy, j'aime, et le tour est joué en fait. Et voilà, et on sait tout ce que tu fais, tout ce que. Voilà, et j'ai envie de dire partageons. Et... Ben oui, dans la grande francophonie. C'est ça, Eh bien, merci, et CKRL va te consacrer quelques semaines, quelques mois. D'accord. Donc, je t'enverrai l'entretien que nous venons d'avoir. Oui. Et tu le téléchargeras, ça sera sur un site privé. D'accord. Et une fois que tu l'auras téléchargé, ben je coupe le tout et aucune personne n'aura accès. OK. Donc, toi, tu feras ce petit bébé-là. D'accord. Et tu feras ce que tu en voudras. Bon, on se tient au courant, manière, je l'évoquerai aussi à mon attaché de presse. Oh oui, si jamais on doit le réexploiter, on s'en reparle, on se dit ça. Exact. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Malgré ton petit problème, un petit problème technique. Ben oui, mais ça va, j'ai pu quand même... Oui, parler. Parler. Sans pas moi, mais on n'a pas crié. On n'a pas fait notre tomboy. Non, malheureux. C'est ça. Oui. Bye bye. Bye, merci. Au revoir. Merci. À la prochaine.